Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. J.J. Cale, Magnolia, en 1972. Pour moi, sa plus belle chanson, en tout cas l'une de ses plus belles compositions. Découvrons ensemble ce Blues Covers consacré à J.J. Cale. Ce sera plutôt un hommage, enfin ce seront des hommages à J.J. Cale sous forme de compositions qui soit prennent l'ambiance des arrangements de J.J. Cale, soit parlent de J.J. Cale. Avec pour commencer un artiste belge, Philippe Lafontaine. J'avoue que je ne connais pas cet artiste, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé cette chanson qui s'appelle J.J. Cale, que Philippe Lafontaine a publié en 1992. Le jour là, vitre pas. Dieu qui pleut en dehors, que c'est moi qui suis là dans la flaque. Éphémère. Maman, mon ombre humide sur vinyle me fait peur. Mélomane en danger. Dis-moi, mon beau miroir, qui de nous deux est le plus embué? j'ai les vodka, mais si t'es pharmacien, écoutez, j'ai checké, j'ai checké. L'amoroso. Non, JJ Gay. JJ Sébastien Bach. Non, JJ Gay. Moi d'un mètre, j'y suis. La vaisselle oubliée, nom de Dieu, le café à bout. J'ai des doutes sur mon intendant. Et tendance à rêver un peu trop quand il faudrait austère. Mais je me sers. Dis-moi l'œuf, qui de nous deux est le plus embrouillé? J'entends bas. Et soudain, tout s'éteint. Dans des moments comme ça, blues à l'opérapie. J'ai les volcans, les cités pharmaciens. Écoutez, j'ai checké, j'ai checké. C'était Philippe Lafontaine en 1992. Mais en entendant la voix et puis même un peu les arrangements, je me disais, ça me dit quelque chose. Et j'ai donc cherché sur Wikipédia, sur Internet, et effectivement j'ai trouvé qu'il avait, dans les années 80, eu un très gros tube qui s'appelle « Cœur de loup ». Voilà. Nous passons maintenant aux Bouilleurs de Blues, un groupe parisien de Montparnasse, qui en 1981 avait proposé son hommage à J.J. Kell à la maison de disques Philips Phonogramme, mais ça n'avait pas été retenu par la maison de disques. En 2011, les Bouilleurs de Blues ont réenregistré ce titre, Mr. J.J. Kell, qui est paru sur le label Bluesiac. Lorsque tu chantes le soir, quand tu branches ta guitare, tu fais sortir les étoiles, tu chasses le brouillard, tu nous perces et nous excites d'un coup de solo magique. Et puis tu appelles la brise qui fait de la musique. Hey, hey, Mr. J.J. Kell. Hey, hey, Mr. J.J. Kell. Hey, hey, Mr. J.J. Kell. Hey, hey, Mr. J.J. Kell. bouteille. J'esthétise le rock'n'roll qu'on écoute après minuit. Hey, hey, Mr. J.J. Kell. Hey, hey, Mr. J.J. Kell. Hey, hey, Mr. J.J. Kell. Hey, hey, Mr. J.J. Kell. Les Bouilleurs de Blues en 2011. Et en 2013, c'est Urbain Lambert qui propose son hommage à J.J. Kell, tout simplement intitulé J.J. Kell, sur l'album Whoville. C'est un fan de country. Je pense qu'il habite en Bretagne, en Armorique, hein, je crois. Et j'avais fait sa connaissance à un petit festival fort sympathique, mais malheureusement qui n'existe plus, à Nogent-le-Rotrou, il y a deux ans de cela. Voici Urbain Lambert, J.J. Kell. On lui dessine la Joconde, elle la trouve pas assez blonde. Elle veut pas savoir ce que c'est. Elle s'en fout qu'on soit fou d'elle. Dans sa tête y'a J.J. Kell. Hendrix lui chante et Joe guitare manère au pavot. À ses genoux, John Lennon, pas foutu de jouer Carry On. Elle s'en fout qu'on soit fou d'elle, dans sa vie y'a que Gigi Girl. Alain Delon lui fait la cour, Marlon Brando lui tourne autour. Pas plus de chance que James Dean, pas accro de la cocaïne. C'était Urbain Lambert. Et tout comme les bouilleurs de blues, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Urbain Lambert, J.J. Kell, ou les bouilleurs de blues, Mr. J.J. Kell, vous trouverez leurs clips respectifs, assez rigolos pour... avec le texte pour Urbain Lambert, et puis avec toutes les pochettes de disques de J.J. Kell pour les bouilleurs de blues, et à la fin un extrait d'une interview, on entend J.J. Kell parler, ce qui n'est pas très courant, vous l'avouerez. Nous continuons avec des artistes français qui rendent hommage à J.J. Kell, c'est Manu Lanvin en 2016. Eh oui, Manu Lanvin and the Devil Blues, J.J. Kell on the radio. Dancing in the blue, a burning sun. Toujours en 2016, Laurent Choubrac nous propose un album solo, si l'on veut. Il joue avec West Band et puis d'autres formations aussi en Normandie. Et donc Laurent Choubrac, son album La Parenthèse et un hommage à JJ Kell qui s'appelle En écoutant JJ. Laurent Choubrac. D'aller dehors et puis ouvrir les yeux face au soleil si fort qui me rend déjà si fiévreux. Le casque sur les oreilles au petit déjeuner, lentement je m'éveille en écoutant JJ. Sur la terrasse, je regarde le ciel. Pas un nuage ne menace de cacher le soleil. Faudra rester peinard, trop chaud pour s'agiter. On s'est couché bien tard à refaire le monde en entier. Parler de tout et de rien, boire et philosopher, parler de tout c'est si bien, en écoutant JJ. S'impose à l'ombre naturellement avant que je ne compose cette chanson lentement. Une douce torpeur me gagne qui me sert de tempo et le vent m'accompagne. Aujourd'hui c'est pianissimo. Et pour conclure en beauté ce Blues Covers, voici Richard Cushley and Blue Roots Company, extrait de son tout nouvel album Parcours, un hommage à J.J. Cale qui s'intitule Just Look What You Have Done. Et sur son précédent disque, il avait proposé une version assez réussie de After Midnight. Ah, je crois que j'ai oublié de vous préciser que Richard Cushley est suisse. Alors, tendez bien l'oreille, essayez de comprendre les paroles, il y parle de J.J. Cale. Just look what you have done, Richard Cushley. Bye bye et à la prochaine. C'était l'émission Blues Covers.